Thank you. tous les aisselles des ondines perdues sur les lignes blanches, renversées tête en arrière, les arbres gentils s'embrassent les cyclones, sous la langue les eaux de nuit, les chevaux criminels, l'orage magnifique, immense, immense, oui, immense. Alors courir, alors courir.